Les participants au séminaire conjoint des partis politiques et des formations de Russie et des pays de la communauté des États indépendants pour féliciter le succès du 7e congrès du Parti du Travail de Corée ont adressé le 30 mai un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Ils ont tout d'abord félicité la réussite du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée. Ils se sont exprimés convaincus que, sous sa direction imminente, le peuple coréen accomplira parfaitement toutes les tâches du congrès du parti. Ils ont souhaité grand succès dans ses activités et sa contribution continue à la cause pour réaliser l'idée du socialisme, de la paix et de l'amitié.